Je suis fou. Chaque jour de mon pauvre amour. Love me, please love me. Je suis fou de vous. Vraiment, prenez-vous tant de plaisir à me voir. Si j'en crois votre silence, vos yeux pleins d'ennui, nul espoir n'est permis. Pourtant je veux jouer ma chance, même si je devais y brûler ma vie. Je suis fou de vous, mais vous moquerez de toujours de mon pauvre amour. Parfois j'ai envie de me fondre dans la nuit. Au matin je reprends confiance, je me dis tout pourrait changer aujourd'hui. Je suis fou de vous. Pourtant, votre lointaine froideur déchire.